Kabila. Eric Ouimana et Dorine Ouimana sur la mise en onde. Vous écoutez la radio Isangani, votre station préférée. Voici le journal de la mi-journée de ce 15 mars 2019. D'abord, les grands titres. L'armée burundaise vient d'annoncer que 600 militaires burundais sur 1000 qui devraient avoir été fait rentrer jusqu'au 28 février précédent vont bientôt regagner le pays. C'était lors d'une émission des porte-parole des institutions publiques tenues en province Mwaro. Vous entendrez le colonel Floribert Biyeleke, porte-parole de l'armée burundaise, de nouvelles révélations du ministère de la Sécurité publique sur le dossier de l'assassinat de l'ex-président de l'amicale des musiciens burundais, Bruno Simbavimbele, mais aussi les sanctions prises contre les stations internationales BBC et Voix d'Amérique. Une dizaine de maisons se sont effondrées au quartier Gikungu de la zone urbaine de Gihosha, dite rurale, suite au ravin qui se trouvait sur la colline Gikungu qui surplombe la rivière Nyanzari. On vous fera le point des demandes de la population environnante et surtout des demandes de la population. À Bungamba, en province Bururi, l'on parle d'une femme qui vient de passer 2 semaines devant le bureau communal de Bungamba et dit avoir été chassée par la belle famille. Mais de quoi est-elle victime? Vous l'entendrez tout à l'heure. Et vers la fin de ce journal, restez à l'écoute et vous aurez droit à la chronique environnement. Aujourd'hui, l'on vous parle de la correction du sol acide. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, les 600 soldats burundais qui sont restés en Somalie sur 1000 qui devraient avoir regagné le pays jusqu'au 28 février précédent vont bientôt rentrer. Annonce faite par le porte-parole de l'armée burundaise ce vendredi lors de l'émission publique des porte-parole des différentes institutions publiques tenues en province Mwaro. Colonel Floribert Biyeleke précise qu'il a fallu réaménager les troupes qui sont en Somalie dans la mission de maintien de la paix dans le cadre de la MISOM. Suivez-le, il est traduit en français par Charles Makoto. La décision de l'Union africaine de réduire les troupes burundais en mission en Somalie a été prise sans se référer au rapport des experts militaires qui avaient suggéré que toutes les troupes en mission en Somalie allaient proposer un effectif pour que cette activité puisse être faite sans embâge. Prendre une décision, c'est une chose. Sa mise en application doit se référer à une situation réelle sur le terrain. S'il s'avère que la décision prise est difficilement applicable, c'est pourquoi, en premier lieu, 400 militaires sont rentrés. Cela a été fait après analyse du positionnement des soldats sur le champ de bataille. En plus, cela a été fait sur la demande du gouvernement somalien qui fait savoir qu'il ne serait pas sage de rapatrier les troupes burundais sans qu'il y ait une évaluation objective des conséquences qui peuvent s'en suivre. Après le retour de 400 hommes, 600 sont restés en Somalie pour des raisons de travail. Cela est connu par les dirigeants somaliens et ceux qui commandent les troupes de la MISOM parce qu'ils savent les missions urgentes et les hommes nécessaires pour leur accomplissement sans qu'il y ait des pertes. Il s'est avéré important qu'il y ait une nouvelle réorganisation de la façon dont les militaires sont positionnés au champ de bataille pour que les 600 militaires restants puissent rentrer. Pour le moment, les 600 peuvent rentrer dans les jours à venir. Quand un militaire est engagé dans une mission internationale, il est régi par la législation du pays hôte, mais il reste sous les ordres de son pays. En effet, les militaires burundais qui sont en Somalie restent sous les ordres qui régissent d'autres militaires burundais qui sont toujours dans son pays. À côté de son porte-parole de l'armée burundaise, le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique nie que l'ancien président de l'amicale des musiciens de Burundi, Bruno Simbavimbele alias Memba, ait été tué par des coups de machette dans cette émission publique de ce vendredi. Pierre Nkurikiye précise que ceux qui ont commis cet acte ignoble l'ont enlevé dans un concert, puis l'ont infligé des coups à base des barres de fer avant d'être jeté. Tout près de son domicile, Pierre Nkurikiye indique que des enquêtes sont en cours pour traquer les auteurs de ce forfait. Suivez-le, il est traduit par Alain Désiré Bukeyeneta. À propos de l'assassinat du président de l'amicale des musiciens burundais, Simbavimbere Bruno alias Memba, celui qui a posé la question pense que ce dernier a été tué par les malfaiteurs reconnus dans l'usage des machettes. La question posée est de savoir le sort réservé à ces derniers, l'état d'avancement des enquêtes ou si la population n'est pas autorisée à s'organiser pour leur sécurité. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Memba n'a pas été tué par ces malfaiteurs armés de machettes, du moins selon les enquêtes. La version réelle des faits est qu'il a été enlevé dans un concert. Il a été ligoté et battu à mort à l'aide des tiges métalliques et a été jeté près de son domicile agonisant. Les enquêtes sont en cours afin d'identifier les auteurs du crime pour qu'ils soient traduits en justice. Dans cette même émission, le président du Conseil national de la communication et porte-parole de cet organe indique que des sanctions à l'endroit des radios internationales, BBC Londres et Voix d'Amérique sont toujours maintenues. Nestor Banghumukundi explique que ces sanctions ont commis ces stations ont commis de nouvelles fautes qui s'ajoutent à celles commises auparavant. On l'écoute, il est traduit en français par Moïse Misako. L'année passée, ces radios ont commis des fautes et ont été sanctionnées pendant une période de 6 mois. Cette période a pris fin. Quand on a cheminé vers la fin de cette période, on analysait comment enlever ces sanctions. Par malheur, ces deux radios ont commis d'autres nouvelles fautes. On a été obligé d'attendre la prise de décision de leur réouverture. La Voix d'Amérique continue d'employer un journaliste poursuivi par la justice burundaise. Cette radio semble le protéger et cela est devenu une entrave à la justice burundaise. La radio BBC, tous les Burundais savent sa situation. Au moment où on était prêt à prendre une décision d'enlever ces sanctions, cette station a montré une vidéo dans laquelle elle a accusé le Burundi de torturer les gens, a montré un flot de sang en provenance d'une maison Sisa Kinindo. Même les responsables de BBC nous sommes entretenus et ont avoué qu'il s'agissait d'une faute. En ce moment, vous entendez qu'au lieu d'enlever ces sanctions, d'autres mesures devraient être prises. Sinon, la Constitution et d'autres lois permettent la liberté d'expression et elle est reconnue au Burundi et elle est protégée. Rien ne peut empêcher une radio qui respecte la loi d'émettre au Burundi. Nous avons patienté pour la réouverture de ces radios à cause de ces nouvelles fautes commises. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur la page Facebook en direct sur Isanganiro Burundi. Il suffit d'aller sur Facebook et liker. Dans notre série de présentations du projet de société par les partis politiques, le parti Ranak dit qu'il mettrait l'accent sur le développement centré sur le peuple. Aloïse Ebarichako, président de ce parti, affirme que le budget alloué à l'allocation des bureaux de services de l'État serait réduit pour construire ses propres infrastructures. Ce parti insiste aussi sur la levée d'écart entre les riches et les pauvres. Suivez plutôt Aloïse Ebarichako, président de Ranak. Le projet de société dans notre parti a été élaboré sur une période qui se situe entre 30 et 40 ans. Et notre projet de société est basé sur l'idéologie sociale-démocratie, c'est-à-dire là où il y a un transfert social, où les riches peuvent donner la chance aux pauvres pour que ces derniers puissent aussi avoir un niveau de vie. Le projet de société du parti Ranak vise d'abord une démocratie où nous disons que la démocratie va être le socle de nos institutions, c'est-à-dire que nous sommes séro-démocratiques. Nous allons avoir une séparation de pouvoir. Les exécutifs travaillent à part, le législatif à part et le judiciaire à part. Et nous avons aussi la science. La science qui va nous guider dans les travaux de tous les jours, où nous allons poser des gestes rationnels, des gestes objectifs. Nous allons poser des actes qui ont un impact positif sur la vie sociale, sur la vie du pays et sur la vie du peuple burundais. Et enfin, nous voulons atteindre un développement durable. Un développement durable dans tous les secteurs. Un développement durable centré sur l'homme, parce que l'homme va être au centre du développement, mais aussi centré sur la planète Terre où nous vivons. Parce qu'il ne faut pas oublier la planète Terre. C'est à ce moment-là que nous insistons sur le volet environnement. Nous voulons aussi protéger notre territoire, notre pays. Le projet de société Hanak, basé sur l'idéologie social-démocratie où nous voulons un transfert social, c'est-à-dire que nous n'allons plus permettre aux gens de construire des maisons gigantesques. Nous allons aussi éviter que l'État du Burundi continue à louer des maisons parce que cet argent peut servir à gonfler le budget national, surtout du côté investissement, parce que nous allons investir pour éviter. Vous savez qu'au Burundi, 90% est agricole, 90% plus est pauvre, 70% de la jeunesse qui vient de terminer les études est chômeur. Donc, il faut penser à cette catégorie de la population où nous ne voulons plus voir des chômeurs dans ce pays. C'est à ce moment-là que ce transfert va jouer, parce que cet argent que nous allons récupérer va être investi dans le secteur industriel, va être investi dans le secteur de microfinance où la population, d'abord, les jeunes qui sont chômeurs peuvent trouver de l'emploi et la population agricole peut avoir des microcrédits pour se développer. Qu'est-ce qui peut prouver que ce que vous venez de dire sera mis en exécution? Ce qui le prouve, c'est écrit. Quand on a écrit, c'est une preuve, c'est un témoignage qu'on ne veut pas mentir. Tout ce que je suis en train de dire se trouve dans un livret qu'on a préparé, projet de société, donc qui témoigne que le peuple peut nous juger sur ce que nous avons promis. Nous n'avons peur de rien. Aloïse Balichako, il est président du parti Hanak. Environnement à présent, plus de 10 maisons se sont déjà écroulées tandis qu'une dizaine d'autres sont sous menace dans le quartier Gikungu de la zone rurale de Gihosha. Cela fait suite à une grande fissure qui s'est éclatée sur la colline Gikungu surplombant la rivière Nyanzali. La population environnante demande de l'aide. Et plus de 3000 enfants ont été réintégrés dans les familles dans le programme de réinsertion des enfants de la rue. Le directeur du département enfants-famille au sein du ministère des droits de l'homme affirme que certains de ces enfants sont aujourd'hui de retour dans la rue. Ignace Nawembalira explique que les difficultés ne peuvent pas manquer avec le début de ce programme, mais que le ministère continue la réinsertion, surtout en réglant les causes à l'origine de ce phénomène. Suivez-le, il est au micro de notre confrère Alain Désiré Boukayenet. Le projet suit son cours normal. Passer de 0 à 3 000, vous comprenez qu'on a fait du bon travail et nous sommes satisfaits de ce travail. Nous avons déjà à ce jour retiré de la rue plus de 3 000 enfants. En même temps, nous avons aussi réinséré au niveau de la communauté plus de 1 000 mendiants. Il peut se faire que 2 ou 3 enfants reviennent dans la rue. Ça, c'était prévisible. Nous le savions dès le départ. Et nous étions préparés à ce qu'on refasse le travail, on améliore le processus de réinsertion pour que ces enfants, eux aussi, comprennent que leur place n'est pas dans la rue, mais que leur place est dans la famille. Nous avons aussi préparé les familles, nous avons préparé l'administration, nous avons préparé tous les intervenants dans ce secteur pour que les enfants puissent être effectivement réinsérés, chacun selon ses capacités, selon ses aptitudes. Mais si l'on remarque encore le phénomène des enfants en situation de rue, n'est-ce pas que les problèmes, les causes à l'origine n'ont pas été réglées? Vous savez, dans tout projet, il y en a qui comprennent vite, il y en a qui sont réticents, et c'est pour ça que nous sommes disposés à les aider, à réinsérer leur famille. C'est pour ça que nous sommes préparés encore à parler avec les parents, à mobiliser encore une fois nos comités de protection de l'enfant au niveau des collines pour que tout le monde apporte son appui à ces enfants qui doivent vivre dans leur communauté, vivre au sein de leur famille. Et 145 tonnes de riz est un don offert par le ministère de la Solidarité et des Droits de l'Homme de la Personne Humaine aux différents centres qui assistent les personnes vulnérables, entre autres les orphelinats. les centres d'accueil aux personnes âgées et les centres pour handicapés ce vendredi. Joseph Ndaïsenga, directeur général de la Solidarité nationale, indique que ce geste est posé sur tout le territoire national pour soutenir ces centres qui accompagnent les efforts du gouvernement. Et je vous l'avais dit en titre, une femme de la colline de Muyange vient de passer 2 semaines au bureau de la commune de Mugamba après que sa belle famille et son mari l'aient rejetée. Cette mère dit être victime de son ethnie. Son entourage demande à l'administration de réhabiliter cette femme afin de pouvoir élever ses 4 enfants. Reportage signé Pacifique Chubahiro. Excusez-nous, je vous disais donc tout à l'heure qu'une femme de la colline de Muyange vient de passer 2 semaines au bureau de la commune de Mugamba après que sa belle famille et son mari l'aient rejetée. Cette mère dit être victime de son ethnie, son entourage et demande à l'administration de réhabiliter cette femme afin de pouvoir élever ses 4 enfants. L'élément, visiblement, n'est pas disponible, mais c'est promis, on reviendra sur cet élément dans nos éditions ultérieures. Radio Isanganiro, chronique environnement. Un seul acide peut être corrigé à base des engrais chimiques. Au Burundi, 4 types d'engrais sont fréquemment utilisés. Ce sont les explications de Prosper Dodico, directeur de la fertilisation des sols au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Selon lui, il faut d'abord appliquer la matière organique, puis les engrais chimiques. Chronique Environnement avec Christella Nidigama, et c'est une rediffusion. Dans notre précédente chronique environnement, nous vous avions parlé du principe naturel de correction d'un sol acide par la lutte contre l'érosion, la mise en jachère des terres cultivables, ainsi que l'introduction des plantes qui résistent à cette acidité du sol. Prosper Dodico, directeur de la fertilisation des sols au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, fait savoir que les cultivateurs peuvent aussi utiliser des engrais naturels. Il existe un autre amendement organique, c'est là où on apporte de la matière organique. Alors, la matière organique incorporée dans un sol permet une amélioration de la sécurité du sol. 100 kg de fumier peut avoir seulement 0,4 kg de phosphore. Au Burundi, on utilise souvent 3 types d'engrais chimiques simples auxquels on ajoute des engrais complexes, explique cet expert. Pour les engrais simples, il y a le DAP qui est l'engrais granulé de couleur noire ou gris foncé. Là, il y a principalement le phosphore à un niveau de 46%. Et il y a aussi l'azote à un niveau de 18%. Deuxième type d'engrais, c'est l'IRE qui contient seulement l'azote. Troisième type, c'est le calcaire et qui contient 60% de potassium. Alors, ce sont les 3 types, une fois combinés, peuvent donner une bonne combinaison qui permet de donner la plante. Mais pour ceux qui ne parviennent pas à combiner les 3 types d'engrais, on a ajouté aussi un engrais complexe qu'on appelle NPK 17-17, c'est-à-dire qu'il y a les 3 éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium, qui sont concentrés jusqu'à un niveau de 17% dans un même grain d'engrais. Chaque plante a sa formule de fertilisation que l'agriculteur doit connaître. Prosper Dodico explique le principe de dosage des engrais chimiques. Pour fertiliser 1 hectare de haricots, il vous faut la formule NPK 18-46-30, alors que pour fertiliser 1 hectare de pommes de terre, il vous faut 60-90. 60. C'est-à-dire que si vous voulez arriver à un niveau de 60 kg par hectare, il faut alors ajouter d'autres éléments pour avoir le même niveau. Pour 1 hectare de pommes de terre, on devrait utiliser 22 tonnes de matière organique. Cet expert fait savoir qu'il y a 2 sortes de cholage. Le cholage d'entretien et de correction, ils sont utilisés selon le degré d'acidité du sol. Le cholage d'entretien, cela signifie que le sol cultivable, il a un pH. Si vous appliquez 100 kg de DAP, vous devrez aussi préconiser 100 kg de Doronde. Mais là où le sol est déjà acide, on devrait procéder à un cholage de correction. Vous pouvez passer d'une tonne à 2 tonnes par hectare selon le niveau d'acidité. Pour lutter contre cette acidité du sol, chacun doit apporter une pierre à l'édifice, que ce soit le gouvernement, les agriculteurs ou les agronomes. Prosper Dodico, directeur de la fertilisation des sols au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, nous en parlera dans la prochaine chronique environnement. Si Christelle Nizigamay sépare cette chronique et que nous mettons un point final à cette édition, je remercie à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Riku Imana et Dorino Imana qui l'ont mise en onde. Merci également à Mireille Kanyang pour la réalisation. Eddie Nibel Nibigrajte à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit, pardon, si vous êtes à table. Au revoir.